Je suis un qui est prêt de battre mon record. Je vois pas en retrait sans faire de mort. Je m'envoie en l'air, je t'envoie dans le décor. Dolan des l'herbe avant central de port. Envoie des nudes quand j'ai besoin de buzz. Radio le même parce que vulgarité. Je trouverai confort en la personne de Lucas. Je fais que du sale donc je ne baisse que des putes. Afro PN, sa puterie me craint. Oui, salopard il en est un. C'est fume-le doucement, on a tout le temps. Prochain soleil couchant 20 de minuit. Quelque part dans des problèmes et des soucis. Dans des sens à que l'on chante près du Gucci. Fais la son sponsor par l'F de Bellucci. Fais la son sponsor par l'F de Bellucci. J'ai fait du mal, j'ai fait du mal, je m'en souviens plus. Je tourne au rond point victoire. Je suis bien loin des vaincus. Je ne sais même pas ce que j'ai nal. Sorti de force des sentiers battus. Je ne sais que rapper la rue. C'est-à-dire que rien ne va plus. Depuis je ne pense qu'à faire des lobes. Je ne pense qu'à faire des lobes. Je ne pense qu'à faire des lobes. Je ne pense qu'à faire des lobes. De ma carte de main n'a pas besoin de nous. Fumeur de jambes de je n'ai pas fini les cours. Je rappelle dans le texte avec un négro dans le zoo. Au piment de fuck le team négro c'était le crew. Tous les jours d'être profond deviendra le trou. Je capte mon bouquin pour un choc et s'il faut des sous. Je suis avec une biche, je me sens qu'il a déjà fait le tour. Pas trop mener ma vie comme je l'entends, je suis devenu sourd. La daronne à l'eau a passé quasi tout l'été. À chaque fois c'est moi je me dis que c'était le dernier. Solité en est, rap énervé. Tellement fumé pour ne plus sentir concerné. Je suis là, faut que j'y reste mec sobre, j'ai pas trop de blême. Pro C-A-M-S-O, cœur désarmé. Tout est noir mais pas pure blanche, pure coke. J'ai fait du mal, j'ai fait du mal, je m'en souviens plus. Je tourne au rond point victoire, je suis bien loin des vaincus. Je ne sais même pas ce que j'ai nal, sorti de force des sentiers battus. Je ne sais que rapper la rue, c'est-à-dire que rien ne va plus. Depuis je ne pense qu'à faire de l'aube. Je ne pense qu'à faire de l'aube. Je ne pense qu'à faire de l'aube. Je ne pense qu'à faire de l'aube. J'ai fait du mal, je m'en souviens plus. Je tourne au rond point victoire. Je suis bien loin des vaincus. Je ne sais même pas ce que j'ai mal. Sorti de force des sentiers battus. Je ne sais que rapper la rue. C'est-à-dire que rien ne va plus. Depuis je ne pense qu'à faire des lovés. Je ne pense qu'à faire des lovés. Je ne pense qu'à faire des lovés. Je ne pense qu'à faire des lovés. Love it.